avec mes potes, on sera célèbre. Et l'inculé, ceux qui avaient méprisé, m'adoreront. Je les barre en paix. Meilleur pote sera